y'a rien à faire. Tout va bien, pis là c'est l'enfer. Y'a un crétin qui vire tout à l'envers. Il s'éloigne du verre. Il est froid comme sous terre. À la puissance éclair, il vient frapper. À cette cadence, on va tous y passer. Y'a rien à plus de mal en face.